T'es pas un grand corps malade, t'es qu'un grand con qui raconte des salades. T'es pas malade, t'es handicapé, t'avais qu'à apprendre à plonger. Arrête de faire du slam, fais plutôt un duo avec l'âme. T'es pas un grand corps malade, t'es qu'un grand con qui raconte des salades.